je suis rassemble le peuple. Il rappelle toute l'histoire d'Abraham jusqu'à ce jour. Chaque étape portée par ta gloire. Il montre le Dieu qui agit avant même que l'homme choisisse. La grâce qui précède toujours l'engagement et prépare la réponse par la justice. Puis vient l'heure du choix que nul ne peut esquiver. Du pacte passé devant le ciel. Et même la mort de Josué ne ferme pas la porte de l'appel éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.